Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Blacko. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. C'est maintenant sur Skyrock. Bonsoir et bienvenue dans Planet Rap sur Skyrock comme chaque soir. Yeah, comment va Blacko? Bah toujours bien. En pleine forme? Ouais toujours. Le temps est compté, on va le découvrir évidemment. Ce soir c'est l'EP qui est sorti hier uniquement en digital. On vous en parle dans un instant. Il y aura le freestyle par téléphone qui a inscription 41759. Tout comme la roulette. Et tout de suite on attaque avec ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. T'as été surpris toi ou... On s'attendait à un petit truc mais pas autant. Donc on n'est que satisfait, quoi. On peut être que content. Plus on revient de très loin. Donc voilà, super heureux du truc, quoi. Bon, on va dire un petit mot. Très loin, c'était évidemment l'époque Sniper. Après, ouais, 2006, il y a eu... j'ai quitté le groupe en 2006. Ça, 2006, t'as quitté le groupe. Après, je suis parti dans une expérience reggae. J'ai essayé de me battre comme je pouvais, mais c'est pas reggae, c'est pas médiatiquement partout, quoi, comme le rap. Planet Rap. Ça n'arrive qu'aux autres. On ne réalise pas, donc ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on n'ose plaindre. Relâche et vite, ferme les yeux, imagine-toi. Même dans ta voiture, même chez toi, imagine. Tu verras comme ta vie est belle, allez. Planet Rap. Planet Rap. Babylon. Barreau des cellules. Qui part en testicule, tu connais. En bras, bras, c'est ça. C'est Planet Rap sur Skyrock. Il y a des valeurs qui comptent énormément pour toi. Ça, c'est un discours qui revient souvent dans tes interviews. Toujours. Sur tes morceaux aussi. Ouais, parce que le premier auditeur, c'est mon père. Et c'est un auditeur spécial. Avec Blacko sur Skyrock. L'amour me porte chaque jour. Il donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Qui nous aiment me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Blacko. Planet Rap. Dépasse tes limites, yeah. Tu dépasses tes limites, yeah. Tu dépasses tes limites, yeah. Hier soir, en direct sur Skyrock. Voilà, kicker un petit peu. De la trappe et pas forcément tomber dans les clichés de la trappe, tu vois, tout. Mettre un message positif. Et ça, j'ai vu que ça te gavait un peu la trappe quand même. Hein. J'ai vu 2-3 interviews de toi en ce musicalement, moment. Musicalement, mais c'est les propos, les paroles. Ouais. C'est tournant rond. Ouais, mais même un rond, des fois, c'est mieux à regarder. Skyrock, yeah. Écoute! La rue, c'est pas ma mère. Aujourd'hui je ne peux que regretter. La rue c'est pas ma mère, non. Oh, quand je repense à tout ce que j'ai fait. La rue c'est pas ma mère. Maman j'aurais dû t'écouter. La rue c'est pas ma mère, non. Oh, oh yeah yeah yeah yeah. Son rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Avec Blacko toute la semaine entre 20 et 21, ça c'était hier soir. Ouais. Là on est reparti pour une nouvelle soirée. Ouais, ça fait toujours plaisir, toujours autant content. Et bah pareil, alors Blacko, que va-t-il se passer ce soir? Bah ce soir, un peu de surprise, un peu de freestyle aussi je pense. Ah, un peu de freestyle. Même si un peu malade, mais je voulais conserver un peu la voix pour ma tournée parce que on va un peu s'amuser. Bah la tournée qui repart dès jeudi, hein, c'est ça hein. Ouais, le 5 à Marseille au Molotov. Voilà, direction Marseille, voilà, pour ton anniversaire. Là-bas. Ouais. Après, j'ai pas envie de dire le combien. En fait, 36e anniversaire. Arrête. Ouais, quand même. Hein. Regarde, même lui, il fait non. Blacko, il est. Bah non, vous avez une formule, t'as un truc. C'est... 36, ouais. Le 5 février, là. Et Rise, la vérité. Vrai. C'est vrai ou c'est non, pas franchement, vrai? Franchement, il a 29. Mais après. Bon, bah, c'est lui, Rise, qui est là, qui a bossé beaucoup avec toi hein, sur le projet, même sur l'album aussi qui arrive au printemps. Ouais, aussi. Enfin, on a une équipe maintenant. C'est l'équipe. On bouge en vacances ensemble, ça mange à droite, à gauche ensemble.

Voilà. C'est du lourd. Donc, avec Raizé. 2015, ouais, du lourd. Raizé aussi à la prod. Raizé, pas très loin. On l'aime, il est trop fort, on l'aime. Oh, c'est mignon. C'est vrai. Ah, je suis rouge là. La famille. En tout cas, on bosse bien pour l'EP, pour l'album qui va suivre par la suite. Et donc voilà, tout est en préparation. Le second titre qui arrive d'ici quelques semaines, au top. Qui s'appelle C'est fini. Le prince charmant, c'est fini. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, c'est vrai qu'à partir d'un certain moment. Donc, faut aller la follow sur Twitter, sur Instagram. Ah oui, où est-ce qu'on peut te suivre alors? Merci. Bah, sur, comme t'as dit, Twitter, Instagram, Facebook, Chanise. Comment t'écris ça? Chanise, ouais. Chanise, comment tu l'écris? S-H-A-N-I-Z. S-H-A-N-I-Z, Chanise officielle. Voilà, voilà. Tout comme Blacko officiel. Voilà, Blacko officiel partout sur Twitter. Et le pédale bag. Instagram, tout ça, tous les trucs. T'as tout, toi, ou pas, Blacko? Pas tout, il y a Snapchat, les machins. Snapchat, ouais, je suis dedans. Mais c'est avec Raizé, c'est un simple. Ah, mais m'étonne pas que ça vienne de là. Ça m'étonne pas, tu sais quoi, que ça vienne de Raizé. On se réveille avec des Snapchat. J'ai juste des sons, moi. Raizé, ça m'étonne pas que t'étais en Snapchat. Non, moi, je suis en Snapshoot. Ah, ça m'étonne qu'à moitié ça. Bon, Chanise, alors faisons le petit tour de table. Chanise, on l'a présenté qui est là avec nous. Après, quelqu'un qui fait son Planète Rap régulièrement, en fait. Il m'avait invité dans le sien, si tu te rappelles. C'est quelqu'un qui vient faire son Planète Rap régulièrement, il passe une journée, au bout du compte. Il a déjà 2-3 semaines de Planète Rap. Ouais, après toutes les fois où il est venu, c'est monsieur H Magnum, comment ouais, va ouais, ouais, ouais, ça aïe, va, aïe, ça aïe. Va, super. Le Dream en personne, lui-même. Ah ben voilà, ça fait plaisir d'être là. Mais toi aussi, tu es malade. Hein, toi aussi? Non, moi c'est ma voix. Ah merde. Ah là, moi c'est ma voix, frère. Bon, tout va bien? Ouais, ça va, ça va. Comment se porte Gotham City, le projet Gotham City? Ouais, ouais. Ça se porte super bien, l'album est terminé, lourd. Et voilà, il sort en mai, fin mai, Inch'Allah. Et sinon, voilà, ça me fait super plaisir d'être là aussi parce que au moins je vais présenter mon label aussi, tu vois. C'est vrai, donc toi, tu es un des piliers de ce label pour le coup. Voilà, tu vois. Et on me confond souvent avec le label de mes potes. Ouais. Voilà, donc ça tombe bien pour dire que voilà, c'est mon label. Voilà, qui s'appelle Loud School Records. Voilà, avec Blacko, avec Chanise, avec Joe. C'était une belle signature, Blacko. T'étais content de le récupérer dans l'écurie. Ouais, mais c'est un poids lourd, tu vois. C'est un poids lourd, c'est lourd un bosseur. Non, c'est un lourd. Il est lourd et voilà, il aime la musique, tu vois, comme tous les gens du label. C'est un amoureux de la zik. C'est un mec qui lâche pas, qui se remet en question. Et il a prouvé son talent en un titre et... Et elle a tout fumé, tu vois. Et c'est même pas. Et ça c'est rien, c'est même pas l'album. Ouais. Parce qu'ils ont fait une folie, hein, frérot. Ouais, puis mais déjà sur l'EP, on peut le dire, hein, il y a les morceaux, il y a le Accroché à mes rêves, voilà, peut-être tu vois. Jouer ce soir aussi. Ouais. Ça c'est l'entrée, ça. Bah, l'entrée, ouais, c'est plutôt garni, c'est l'entrée. Le plat va arriver maintenant. Voilà. Après. Mais en tout cas, H Magnum, le projet va être lourd. Moi j'ai écouté des sons de H, franchement. De Gotham City. Ouais, il y a les clips. Et t'as la date ou c'est un peu tôt? J'ai pas la date fixe, mais fin mai. J'ai pas le choix. Je suis obligé de sortir fin mai, de toute façon. Parce qu'il y a trop de gens qui attendent et ça commence à faire long. Même pour moi, j'en dors pas. Donc fin mai à pas louper. Tiens, présente-nous aussi un autre, le dernier artiste pour ce soir signé sur le label. C'est le frérot Joe Black. Du 7-7, l'homme du buisson. 7-7 en plein du buisson, les gars du ça buisson. Ça va, Joe Black? Ouais, voilà. Ça va. En pleine forme, petit CV Express pour toi. Et... Petit CV Express, je fais partie aussi du label Loud School avec les frères Chanise. Au top, la meilleure. Et toi, on peut écouter des sons déjà? Il y a des choses qui sont sorties ou qui arrivent pour 2015? Ouais, il y a des choses qui sont sorties. Il est mythique, volume 1, elle est toujours dans les bacs. Mmh. Le projet, le EP, il arrive avant cet été. Là, je le prépare. Je suis dans le buisson avec Raizé. Raizé, putain. Raizé, il est au tournant. Ah ouais. Ah ouais, je suis pas loin du buisson, mais juste à droite. Juste à droite. Voilà, le projet, il arrive. Non, ça va être lourd. Mec du 7-7 pour une fois, un peu des mecs du 7-7. Et on suivra ça. Donc Joe Black du 7-7 pour te suivre. Tiens, toi sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Joe Black officiel. Tout Joe Black, tout le monde est officiel. Tout le monde est officiel. Black officiel, H-Magnum officiel. Officiel. Tout le monde est officiel. Et cette semaine, c'est Blacko, notre invité. Vous envoyez aussi des messages avec le hashtag Blacko sur Skyrock, balancé au 41-759. Quel morceau on met alors, Blacko, tout de suite, extrait du temps et compte? Choisi. On va mettre Choisi, Produit par Jazzy Fizou. Jazzy Fizou. Qui est là-bas. Calme. On lui fera dire un mot dans un instant. Ouais. Et on balance le morceau Choisi, c'est extrait de Blacko, le EP, le temps et compté. Bang! Choisis de baisser les bras ou de résister. T'as le choix d'abandonner ou de battre encore pour tes idées. Prends le temps de vivre ou fonce sans hésiter. Choisis d'être libre, laisse ta pensée exister. Choisis d'être un suiveur ou sois ton propre leader. Cherche l'équilibre, le chemin susceptible d'être le meilleur. T'as le choix entre le paraître ou l'intégrité. Choisir entre illusion et réalité. T'as le choix de fuir ou d'affronter le problème. Baisser la tête ou la garder haute, quoi qu'il advienne. Le choix de discerner ou de ne pas t'en donner la peine. Le choix d'être un mouton ou un lion dans leur système. Choisis. Prendre le temps et t'apprécier. Ça pourrait chaque instant ou faire partie de ces gens stressés. Choisis de vivre la vie comme elle vient sans trop te presser. Choisis de te relever malgré les épreuves à traverser. Tu peux choisir le courage ou choisir la lâcheté. Choisir l'hypocrisie ou l'honnêteté. Ah oui. Choisir entre sagesse et ignorance. Choisir la bêtise ou la prise de conscience. Tu peux jouer un rôle ou choisir de rester toi-même. Choisir de prendre sur toi chaque jour de donner la peine. Faire partie de ceux qui se battent, de ces gens qui s'aiment. Choisir de sourire même quand il y a les larmes qui viennent. Choisir, choisir le sens que tu veux donner à ta vie. Choisis le chemin que tu suis. Choisir ce qui est bon pour toi. Tu sais, on n'est que de passage. On vit qu'une seule fois. Choisis. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Choisis. Entre 20 et 21, et ce morceau qui s'appelle Choisi, qui est né comment, Blacko, celui-ci? Il est né d'une compo de R-Rise encore, enfin de Jazzy, on était chez R-Rise. Jazzy qui est là. Et voilà, j'ai fait la prod et j'ai kiffé dessus. Et donc on a bossé, quoi, j'ai trouvé le thème. Toi, t'avais déjà le texte, le thème, ou tu l'as. Ouais, j'avais quelques idées de. Je voulais l'appeler Libre Arbitre au départ. Mais Choisi, ça se comprend plus vite. Ça ira plus. Ça, c'est après des années de musique, en fait. Au début, tu aurais pu appeler ça Libre Arbitre. Libre Arbitre, ouais, mais non, Choisis, voilà, comme ça tout le monde capte. Et donc voilà, quoi, grosse prod de Jazzy Fizou. Merci. Voilà, gars, bah, Jazzy, on va te présenter, puisque hier tu étais là. Mais, hier. Donc, petite présentation de Jazzy. Déjà, les prods que tu as faites avant d'arriver sur le projet de Blacko. Et puis celle sur lequel tu es en train de bosser en ce moment. Ouais. Et c'est un artiste aussi. Exactement, c'est aussi un artiste, hein. Il est multifonction. Mais les producteurs sont des artistes aussi. C'est pas faux. Il a produit pour Mister You, pour La Fouine, pour Fababy. Voilà, ouais, on a fait un peu de tout le monde. Ah, là, on est avec Blacko. Tu peux pas le laisser parler. Laissez parler. Hier soir, c'était toi. Mais non, mais t'as vu, il ose pas. Tu vois, des fois, il est moins speed que toi. Il veut y aller plus tranquillement. Jesse, prends ton temps tranquillement. Non, c'était pour dire la raison. Là, j'ai fait déjà des sons pour Mister You, La Fouine. Pas mal de rappeurs, là je suis sur Blacko et pas mal d'artistes. Et aussi j'ai sorti mon projet en parallèle, Jazzy Riche en volume 1. Très lourd. Donc on a sorti des petits morceaux pour faire un peu le buzz. Et là je fais le deuxième bientôt. Et puis j'ai posé sur des projets aussi. Donc arrive. Je sais pas s'il faut le dire, donc je le dis pas. Ouais, surprise un peu. Mais c'est lourd. Voilà. C'est voilà. Lourd. On m'a donné des grosses forces, donc. Donc lourd. Tu kicks aussi en fait. Voilà, ouais, je rappe aussi. Ah, il est très fort. Hein. Voilà. Il est chaud. Très fort. Hein. Voilà. Donc on guettera ça quoi pour 2000 dans les mois qui voilà, viennent. Voilà, qui arrive, ouais, bientôt. Ça arrive c'est prochainement. Sur le feu. Et t'inquiète pas, on reviendra, mon Fred, à Nocturne si Dieu veut. Et bon, on suivra ça. Merci en tout cas. Merci à toi. Non, un petit mot juste pour bosser avec Blacko. Est-ce que toi, tu justement, quand tu bosses avec un artiste comme Blacko, on le disait, c'est vrai que c'est un mec qui chante, qui s'est kické aussi. Est-ce que t'as été trop plongé sur ce qu'il avait déjà fait avant ou tu viens avec des idées neuves, non, fraîches? Moi déjà j'ai Sniper, j'ai écouté, j'ai 25 ans et j'ai grandi avec eux, donc je sais parfaitement ce qu'il a fait avant. Déjà quand je l'ai arrivé c'était une grande surprise et puis une fierté aussi à la fois. Et puis donc ça s'est fait tout seul, comme j'ai eu Crazy H24, donc il est arrivé à travailler avec lui et moi j'ai suivi quoi, la vibe. Des trucs qui te font bizarre maintenant de dire ah, putain ouais c'est vrai que j'ai grandi avec toi. Non, ça c'est un bizarre, ça un Blacko. Le pire. Toi, c'est... Ouais, je préfère qu'on me le dise pas. Ah ouais. Non, on parle son, on fait le son. C'est quoi, ouais, c'est, lui, c'est quoi l'humain qui compte avant tout, c'est ouais, de c'est ressentir. Ouais, pour moi c'est ça. Tu vois, avant tout le reste, c'est important pour moi. Ouais, c'est important. Pas le côté un peu, alors fan c'est peut-être exagéré, mais le côté. Bah qui est que l'emballage, mais pas le contenu. En fait. Tu vois, c'est ça. C'est une fondation quoi. Ça, c'est tout simple. Bon, en tout cas, Jazzy, il a bossé avec toi. Combien de morceaux sur le EP pour l'instant, Jazzy? Attends, j'ai un seul. Un seul. Ouais. Voilà, bah, le morceau choisi. Dans l'album, il y en aura sûrement. Il va bosser aussi, je pense, sur mon album. Ouais. Pour petite force et tout, et j'apprécie ce qu'il fait. Voilà. Merci à Marseille, il faut qu'il soit, tu vois, ça mérite en qu'il, voilà. Album voilà. Qui arrivera, on l'a dit, avril-mai. Pour moi? Ouais, pour toi. Ouais. Avant l'été? Je dirais fin mai. Avant l'été? Ouais. Avant l'été, en c'est tout cas. Ouais, c'est l'objectif, après on verra. Pratiquement fini de toute façon. Là, il nous reste encore une soixantaine de jours de studio qu'on a pris, donc on va bosser encore. Parce qu'on a fait des titres déjà, mais on les avait créés un peu dans le doute, sans trop savoir où on allait, si ça allait plaire ou pas. Là maintenant, on voit un peu quoi. On voit un peu mieux, c'est un peu plus dégagé, donc on va recréer. Toi, t'avais un doute, ouais, justement, sur en arrivant avec le temps et compter. Tu... Ouais, mais complet. On mais vraiment à ce point-là. Ouais. Bah, vu ce qui se fait, vu ce qui marche, on se dit est-ce qu'on suit cette tendance, est-ce qu'on suit l'autre, ou est-ce qu'on en crée une nouvelle. Bah après on a hésité mille fois, c'est comme un ravin, hein. Créer une nouvelle tendance, et elle prend ou elle prend pas. Je fais mon truc, je ramène mon chant reggae sur du hip-hop et on verra bien quoi. Voilà. Et sinon toi t'avais aussi tu réfléchissais à d'autres possibilités d'arriver avec d'autres sonorités, avec d'autres choses. Mais on va arriver avec d'autres sonorités, mais il fallait pas se planter sur le retour. Voilà, parce que la première impression souvent c'est celle qui reste. Donc voilà. Il rappe aussi, il kick. Hein. Ah bah, attention, bien. J'ai entendu des sons. Chaudard. Hein. Tu l'as négligé. Hein. Non, mais hier, on a eu un petit aperçu. On a eu du dépasser tes limites. Ah, ouais, il est fort. Qu'on a balancé. Ouais, en fait, j'aime mélanger ça. Quoi. Mon appellation, c'est MC Reggaeman. MC Reggaeman. Voilà. Avec nous toute la semaine dans Planète Rap. Qu'est-ce qu'on mettra d'ailleurs, MC Reggaeman, dans quelques minutes? Bah allez, encore accroché à mes rêves, ouais. Comme ça, dedans on entend un peu le mix-up entre les deux. Et bah très bien, accroché à mes rêves, il y aura du live aussi avec toi ce soir dans l'émission. Ouais, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Et bon, on va s'amuser dans... Pour ceux qui veulent s'amuser, Jazzy c'était... Hein ouais, Jazzy, Monsieur Magnum, H de son prénom. Il faut rappeler aussi qu'il y a le Joe Black aussi, un petit 16, ouais, 38, 38. Oui, Joe 38. Black, toujours là lui, archi chaud, 7-7 dans les bacs. Vous allez voir. Bastos, gros. Et il y a le clip Accroché à mes rêves en ligne, hein. Faut aller voir ça à fond. Ouais, il est arrivé là. Accroché à mes rêves, bougez pas dans un instant, on revient sur Skyrock avec Blacko. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir avec Blacko sur Skyrock. Et le morceau Accroché à mes rêves maintenant de Blacko. Yeah, yeah! LTEC disponible, va le chercher, laisse l'oiseau s'envoler. Yaman! Comme tout le monde, j'ai un but, comme tout le monde, j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est à temps. Si j'ai une bonne étoile, alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir, faut en bader. Le chemin est long et souvent rempli de doutes. Mais je sais que là-haut, il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue, au moins j'aurais tout essayé. Mais d'ici là, je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction. Cette idée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce pour les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves, c'est exister. Avec le sourire aux lèvres, pour avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser. Pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Je me remets en question et je relativise. Et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça remballait le coup. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui, c'est vrai. Faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel, même s'il est orageux. Oui, je ferai tout mon possible car nous est l'enjeu. Je mettrai tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin demain. On verra. Accroché à mes rêves avec les images. Ça. Les images, bah tiens, si vous avez envie de vous réchauffer, allez-y. Voilà, il y a le clip ouais, qui est disponible. Vous pouvez cliquer, aller regarder ça sur Blacko Officiel sur YouTube. Tourner à la Réunion. À la maison. Ah ouais, à la maison. À la maison, tranquille. Ouais. On a essayé de donner voilà, des bonnes petites images. Des bonnes petites vibes avec ce morceau. Accroché à mes rêves qu'on retrouve sur le EP de Blacko cette semaine et ce soir avec. Pas ton label, mais les artistes du label où tu es signé. Qui sont avec là. Nous, qui sont là et qui vont. Les H Magnum. Voilà. Joe Black est là, Chanise. On est là. Et il y aura du live dans quelques minutes. Juste avant, je vous présente ces phases de Chambly. Ouais, allô ? Ça va bien, Phase ? Ouais, ça va bien et toi, Fred ? Eh ben, écoute, en pleine forme cette semaine. Ah, avec Blacko. Ça m'étonne pas, avec Blacko. Yeah. Yo, Blacko ! Yo, man ! Ah, ça va ou quoi ? Ouais, ça va et toi ? Oh là là, ça fait c'est un honneur de te parler depuis toutes ces années où je t'écoute. Eh ben, merci à toi, Fred. Ah non, franchement. Bravo, merci Skyrock de me permettre ce rêve là. Eh ben écoute, voilà. Tu es là, tu veux dire quelque chose en particulier à Blacko, Phase, pardon. Bah, comment remercier un artiste qui a inspiré une génération et qu'on inspire encore une nouvelle aujourd'hui avec toujours une évolution constante dans la musique. Donc merci. Ah ben merci à toi, c'est un double merci. Voilà, c'est réciproque, frère. Trop d'honneur, bah, trop d'honneur. Merci. Ah ouais, c'est good. Eh ben Phase, on va t'écouter rapper. C'est l'heure du freestyle par téléphone. C'est parti. Ok, ça marche. Ah ouais. Oh là là. Yeah. Aïe. Yeah. Yaman. Ah ouais. Ah. Yeah. Paris a tout terrassé, armé pour tous les raser. Parti d'en bas, on vise la lune et les deux, on va les effacer. Coup de gueule à gauche, coup de gueule, ciao. Clandestin du monde, je crache mon coup de gueule à la Manu, ciao. Dark comme j'en ai rage, bruyant, mourons discret. Génération bercée par les sirènes, mais pas celle de Disney. Quand tu quittes la galerie, bull, tout ce que tu rames. Donc sur la défensive, ce que les gens disent, je le tape comme tu rames. Si je suis si négatif, c'est que ma vie a trop de clichés, a trop typé. Je ne cesse de cogiter, j'en suis atrocifié. J'arrose de haine, peau de fleurs, car je suis à fleur de peau. Si je marche seul, c'est le papa coulé à cause des couteaux dans mon dos. Je suis trop franc pour pouvoir aimer l'euro. Pourquoi Hollande représente la France avec un nom aussi faux? Faut que je fasse mes projets en silence pour que ma réussite se charge du bruit. La vie m'a appris que n'existaient pas les coïncidences. Tout est une question de calcul, le temps est compté. Blacko te l'a dit, les rappeurs sont tous d'accord. Le rap c'est comme un sac, pour certains un sac d'oseille, pour d'autres un sac de frappe. J'rappe 6 francs que j'en recrache tous mes boyaux. Ton rap valait pas plus de 6 francs, le mien s'assimile au joyau. Tu veux garder la pêche mais t'as avalé le noyau. Princesse tu veux ton prince charmant mais t'as couché avec tout le royaume. En présence de Blacko, oh, oh, l'enfant. du soleil au micro. Son du Nikon. Wow. T'es pas fracassé, bon, t'as bon, mono. Bon, alors aujourd'hui, laissez-moi, je suis dans mon rêve. Ok. Phase à l'instant, freestyle. Ouais, je sais pas si j'étais coordonné avec l'instru, j'entendais rien. T'inquiète, on sait que par téléphone, c'est pas évident. Ah bah merci à vous. Et bah phase, il y a le cadeau pour toi. Ouais. Cadeau. T'es rapide, hein. Ah ouais. Et t'as gagné, c'est une chicha électronique Ookie. Ok. Voilà, donc le petit cadeau. Et il y a moyen d'avoir une dédicace de toi, Blacko. Mais ça, c'est normal. Même. C'est même pas un cadeau, c'est normal. Tu veux sur la chicha électronique, tu veux? Ça va être dur. Ça va être compliqué. Ouais, sur la boîte, peut-être. Ouais, c'est la surprise quand je vais déballer le truc. Je veux la dédicace. Ok, elle sera là, sans souci. Et bah, ça roule, phase. Ça marche. Bah, merci beaucoup. On peut te retrouver sur le net. Tu veux balancer quelques infos, quelques. Ouais. Bah, moi, j'ai ma page Facebook. Donc, c'est phase FAAZH. Et puis voilà, sinon Instagram FA4ZH. Voilà, sinon je suis un peu partout. Et ben un peu partout, on ira cliquer. Merci à toi, Fab. Et ben big up en tout cas. Bah merci Blacko, merci à toute l'équipe, merci à Skyrock et puis salut Fred, merci. À bientôt Faz. Ciao. Ouais, big up à vous. Et pour retrouver Blacko, il y a une tournée aussi hein, Blacko avec Ouais, c'est ça, donc c'est une sorte de pré-tour en fait. Ouais, une petite pré-tournée et tout pour voir un peu comment ça se passe, prendre la température avec le public et tout. Donc on sera le 5 à Marseille, le 5 février au Festival Couleur Urbaine à Toulon. Le 7 février à l'Antirouille à Montpellier, le 20 février au Ninkazikao à Lyon, le 21. Et en fait, tu vas sur Blacko Officiel, il y a toutes les informations. Il y a toutes les dates. Voilà, tu regardes sur la page, c'est là et il n'y a pas de souci. Donc près de chez toi, Blacko en tournée et en effet du côté de Marseille le 5 février. Et ensuite à Toulon, on va juste avant de passer au live peut-être mettre un autre titre, un autre morceau. J'aurais bien mis le nerf de la guerre. Nerf de la guerre? Ouais. Et bah très bien. Voilà, c'est un son où je parle de l'argent. Mais pas forcément pour le glorifier, c'est juste pour en dire que je suis terrifié, même si on en a tous besoin. Enfin, il faut écouter le morceau pour capter le délire. Eh ben, on le balance maintenant, le nerf de la guerre, Blacko sur Skyrock. Lago! Lago! Et nous sommes tous contaminés. On n'emportera rien dans la tombie. Si pas rien ne se fait sans billets. Y'a trop de factures à payer. La graille, les marmots, tu connais les histoires. C'est une triste réalité. Mais dur de subsister dans leur matrice en genre. T'as pas d'oseille, t'es considéré comme un paria. Proposer des monts et merveilles, tout le monde veut le champagne et le caviar. Mener une vie loin du besoin, on pense que l'argent est une sûreté. Faut faire des thunes par n'importe quel moyen, pour se sentir en sécurité. C'est la course aux billets violets, tout le monde cherche à faire fortune. On a tous dans la tête des projets, mais pour les réaliser il faut des thunes. Alors obligé de charbonner en règle, ou de manière illicite. Faire le taf pour que l'oseille rentre à Babylone, tout est question de fric. Oh, l'argent est le poison de ce monde et nous sommes tous contaminés. On n'emportera rien dans la tombie si pas rien ne se fait sans billets. Y'a trop de factures à payer, la graille, les marmots, tu connais les histoires. C'est une triste réalité, mais dur de subsister dans leur matrice en genre. L'oseille c'est le nerf de la guerre. Et nous sommes beaucoup de soldats. Prendre des sous, assurer nos arrières. Réussir à mettre bien nos mi-fa. Quand le compte est blindé, c'est sûr ça va forcément mieux. On vise la retraite anticipée, car on ne vivra pas tous forcément vieux. Sans taille, c'est la haine. Et la pression se fait constante. On ressent une tension lorsqu'elle se fait rare ou absente. D'une manière ou d'une autre, il faudra se lever pour aller la chercher. Nous sommes tous esclaves de l'argent, tous esclaves de nos porte-monnaies. L'argent est le poison de ce monde et nous sommes tous contaminés. On n'emportera rien dans la tombie si pas rien ne se fait sans billets. Y'a trop de factures à payer, la graille, les marmots, tu connais les histoires. C'est une triste réalité, mais dur de subsister dans la matrice en genre. L'argent ne fait pas le bonheur, mais sans tu te sens vite dans la merde. Paraît qu'il n'a pas d'odeur, mais il couvre le parfum des emmerdes. Quand tu pieds sur la paille, tu te retrouves vite fait sur les nerfs. Obligé pour faire entrer la maille, elle compte toujours sur le pied de guerre. Je sais très bien que je partirai sans, je veux juste mettre les miens à l'abri. On n'a rien sans rien, tout a un prix. Dans leur fucking système, rien n'est gratuit. Frérot, pas le choix, faut faire des cales. Car sans bif, tu vas pas bien loin. Je me fous qu'ils soient propres ou sales, tant que les miens mangent à leur faim. L'argent est le poison de ce monde et nous sommes tous contaminés. Yeah, yeah, yeah. On n'emportera rien dans la tombie si Paris ne se fait sans billets. Y'a trop de factures à payer, la graille, les marmots, tu connais les histoires. Ah oui! C'est une triste réalité, mais dur de s'utiliser dans leur matrice en genre. Ah, le ça. Nerf de la guerre à l'instant. Guerre. Exactement. Encore plus que jamais ou quoi, Blacko, ce morceau. C'est toujours ça. Hein. Mm-hmm. Je pense que quand tout le monde part charbonner le matin, on est tous dans la même guerre en vrai. Qu'on soit artiste, plombier, garagiste ou autre, on est tous dans une grande guerre pour cette oseille. Mais est-ce que c'est une guerre qui est bonne? Toi, tu réfléchis à autre chose justement. T'as une autre vision là-dessus sur les années à venir. Sur wow. Est-ce qu'un autre monde est possible comme certains le disent? Il sera fort. Après c'est si Dieu veut que ça sera possible. Nous hommes là, le monde, on est en train de le casser en je sais pas combien de morceaux. Donc je sais pas si nous ce qu'on fait ça pourrait être un jour meilleur. Mais toi, le monde lui peut se réveiller et nous rendre meilleurs par contre. T'es inquiet toi ou pas concrètement pour l'avenir justement? T'as des enfants, on l'a dit hier. Ouais, je suis inquiet. C'est vrai. Dire qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'une guerre peut nous arriver sur notre tête pendant qu'on est en train de danser? Faut faire gaffe quoi, c'est tout. Tu vois, ouais, inquiet. Inquiet. Mais bon, faut garder quand même de l'espoir et on continue de chanter aux gens. Toi, t'as envie de les faire grandir où tes enfants justement dans ici plutôt? Ouais, non, j'aimerais m'éloigner un peu des villes et tout. C'est vrai. C'est trop speed pour Paris et tout pour les enfants. J'aimais bien moi jeune, mais ça devient l'inverse maintenant que. Bah oui, parce que toi, t'es typiquement justement un enfant urbain quoi. T'es né là-dedans. J'ai envie de voilà. Avec ce stress, avec ces. J'ai envie de leur apporter le voilà si je peux les emmener à la Réunion, qu'elles découvrent un peu la nature. Une chute d'eau au lieu de, je sais pas, un arrêt de bus. Ah. Voilà. C'est un peu plus chance, tu prends le bus, mais c'est pas mal aussi, quoi. Ça, tu peux un peu plus cogiter. Ah, tu peux cogiter. Ce genre d'endroit. Ça, c'est le voyage qui coûte cher, mais s'asseoir à cet endroit-là, ça ne coûte rien. Toi, tu l'as découvert tardivement à Réunion ou pas? À 21 ans. Ouais. C'est 21 ans? Ouais. Avant, j'avais pas les moyens. T'avais pas les moyens, ouais. De pouvoir m'y rendre et tout, ouais. C'était au moment de Sniper, ouais, etc. Le premier album. Premier album. Je suis parti et j'ai pris ma claque dans la tête. Et voilà quoi. Et puis toi, t'avais aussi une histoire à construire ou à retrouver en tout cas. C'était... Ouais, bah, je suis métis, tu vois. Mon père est de la Réunion, maman elle est de la métropole de France. Et donc j'ai grandi qu'avec ma mère. Puis j'ai rencontré mon père à 11 ans. Tu vois. Et c'est qu'à 21 ans que j'ai pu voir sa culture et l'approcher quoi. Et donc là, je cours après le temps, j'essaye de le rattraper. C'est pour ça le temps est compté quoi. T'as emmené tes enfants justement à la Réunion un peu ou... La plus grande seulement, elle avait 6 mois. Ouais. Elle a 6 ans, elle s'en rappelle plus, mais elle veut y aller. On va y aller bientôt, j'espère si Dieu veut. Bon bah en espérant que tout se passe bien pour cet album qui arrive. Ouais, j'espère aussi. Là le projet c'est le temps est compté en digital, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent si on peut l'avoir non, c'est en support physique. Ouais. Non, c'est uniquement en digital, donc sur les plateformes de téléchargement légal. Pour retrouver Blacko et le temps est compté. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le live? Allez, amusons-nous un petit peu. Amusons-nous un petit peu, Rise. Parce que tu as de quoi nous amuser. Un petit peu. Il y en a qu'un qui est pas fatigué. Vous êtes fatigué là-dedans ou pas? Alright. Yeah, vas-y, bon, on va jouer de la musique. Hein. Jouons de la musique. Ah. Parce que moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Je fais du reggae, du rap, ça leur pose problème. Hein. Un côté de la nature. Hein. Et j'ai un côté aussi HLM. Hein. Tu crois que ça ne peut pas rapper? Écoute, tu penses que ça ne peut pas rapper? Écoute. Tu penses que ça ne peut pas rapper? Écoute, même pas de texte, je fais ça en impro. Rien à foutre, PLA c'est KO. Renégat dans l'âme. T'as deux côtés, ça coupe, Bellec à ma lame. Je peux chanter, me poser dans les micros et faire bodo, bobo. Je les renvoie tous, vite fait faire dodo. Tu t'as capté frère, flèche qui se tire rapidement. Tu comprends, c'est rapide comme un serpent. 95170, c'est ça, même mon matricule. T'inquiète, MC Mary, même ça bafouille, je m'en bats les steaks, je reste accroché à l'instru. T'as connu BLA, c'est KO sur le beat, jamais intrus. Je rentre sur le son, toi-même tu sais que tes mains touchent le plafond. Ah, le DJ Rise, monte un peu le son. Que l'on met tous les gens ici un peu sous pression, sous pression, Freestyle totalement improvisé. J'ai rien écrit, rien fait, j'ai rien révisé. Je suis en pleine chute libre sur mon fil. C'est un truc artistique, si t'aimes pas, vas-y, file, négro. J'aime ça kicker subitement. Tu vois ce que je veux dire, frère. J'arrive et je kick mon flow, j'applique mon style sur le son. Pas de problème, tous ces MC style, même en cas le son. J'ai pas le temps pour ça. Rap contenders dans l'instinct. Tu vois ce que je veux dire, je transperce l'intestin du premier connard qui voudra me tester. Moi je suis l'enfant du soleil, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je y rester. Tu vois ce que je veux dire, frère, ça sort du cœur, hein. C'est un freestyle humain, y'a pas d'erreur, hein. Moi mon seul bling bling, c'est mes gosses et le soleil. Quoi, la vie, toi et moi, on la voit pas pareil, fuck. Ça manque un peu en intensité. Quoi, tu crois que je viens d'un cocotier, j'ai grandi en cité. Quoi, t'inquiète, c'est pas écrit, hein. C'est le BL, c'est KO, MC Reggae Man, je suis ready, hein. Tu peux envoyer tes bails, tes insultes sur moi. J'ai regardé l'écran, mais je te jure, ça me touche pas. Haters, fais ce que t'as à faire, ce que mon love te transperce. Porte tes pans, perce. J'ai plus le temps, moi, je fais mes bails en freestylant. Pas de problème, frère, j'arrive aussi en taillant le game en deux, avec ma lame qui coupe tout. MC Reggae Man, un point c'est tout. Puis le reste je m'en fous. Est-ce que ce soir à Sky tout le monde est chaud? Est-ce que ce soir à Sky tout le monde est chaud? Jazzy, est-ce que ce soir Sky tout le monde est chaud? C'est qui rappe? C'est Blacko qui fait sa petite impro. Est-ce qu'à Sky tout le monde est chaud? Est-ce qu'à Sky tout le monde est chaud? Est-ce qu'à Sky tout le monde est chaud? Qui veut rentrer dans la danse? Prends le micro. Loin d'être avarié, je chante pas délaisser mes valeurs. Il vient de ma vallée car l'argent nous fait cavaler. Les michetonneuses avalées, des vaillants évitent de râler. Plutôt crever dans une baleine qu'avoir l'appétit d'une baleine. Beurre haleine, les ingrats criaient à l'aide. Faisaient de la lèche, moi j'allais dépanner. Trahissaient moments de galère comme un toxico sans galette. Heureux la foi nous allège, peu importe la peur nous balaie. Putain, Je repars. Ok, pour tous les internautes et tous qui regardent, tous ceux qui cliquent, y'a pas de texte, pas de papier. Ok, on est là sans filet. Fais un peu des cuts, laisse-moi me faufiler. Sur le son j'y vais. Ah tu pull up ça, vas-y, rewind, rewind, rewind. Again and again. Ah si tu le mets comme ça aussi on peut y aller, hein. MC Reggae Man, jamais mon cerveau tombe en panne. Tu veux un freestyle, je vais te ramener un bon programme. MC Pyroman, you're my yo. Ah, ah ouais Skyrock. Imagine que t'es dans une salle avec un briquet allumé. Aïe aïe aïe, Blacko ce soir. Ouais yo, ouais. C'est Blacko qui vient catcher. Sur le microphone j'ai quelques flots à dispatcher. Quoi qu'est-ce qui se passe, t'as vu je sais aussi tchatcher. Un petit reggae man, quoi on va pas se la cacher, hein. J'peux kicker, y'a pas de soucis, je peux le faire, hein. Sur le son t'inquiète, j'ai les armes pour la guerre, hein. Qu'est-ce qui se passe, j'ai mis tout le monde à plat ventre, hein. Je kick un petit freestyle, après chez moi puis je rentre, hein. Pas de soucis, tu le sais. Je laisse l'instru, les yeux révulsés. En impro, je vais me catapulter. Et t'as vu, j'ai pas dit de gros mots, j'ai pas insulté la mère à personne. Moi, c'est je me bats contre Babylone. C'est direct dans la tête des gens que ça résonne. Oh, allez leur dire, je suis plus puissant que ce négro de Washington. Je sais même pas pourquoi je t'ai dit ça. Mais en freestyle, c'est Blacko qui remet. Moi, est-ce qu'il y a du bon ce soir, Skyrock? On quitte du bruit. Poula. Si, c'est des freestyles, j'appelle ça les freestyles. Comment tu veux qu'après, il y a quelqu'un qui prenne le micro après? Non, on peut plus prendre. Qui c'est? Il y a quelqu'un qui va venir comme ça? Non, parce que moi, je voudrais faire un 16. Ah, vous voulez ça? Les gars, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Fan Dream ou pas? Non, mais attends, il a des choses à dire, Harry. Laisse le dire. Mais je me dis, toi, saute comme Black. Non, mais moi, je saute à l'intérieur de moi-même. Tu sais, pour moi, j'appelle ça des freestyles de cuisinier. C'est comme quand tu vas dans ta cuisine, tu veux faire à manger, mais t'as pas eu le temps de faire bien les courses comme il fallait. Donc tu fais ce qu'il y a. Tu penses qu'il y a. Et parfois t'as des belles surprises. Invités, c'est bon. Et parfois t'as des super surprises. Ouais, c'est bon. Voilà, c'était Blacko à l'instant en live. Ouais. Petite participation d'H Magnum. Jean Black pas entendu. Dans le buisson. Chalice. Gars du buisson. Non, on est dans le buisson, gros. Après, les auditeurs, je sais pas que vous avez apprécié, c'est freestyle, hein, totalement. Ah, bah, je vois. Y a c'est un pro, attention. Voilà, moi, c'est MC Reggae Man. J'ai beaucoup respecté le rap, tu vois, sous cette forme-là d'un pro et tout. J'ai grandi avec ça, et jusque même là, si je me fais un peu vieux, je kiffe quand même manier ce genre de truc. Ça fait toujours plaisir. Lourd. Blacko avec nous, la roulette qui va tourner au 41-759. Et un dernier morceau pour conclure ce Planète Rap ce soir. Blacko qui est. Où est Rise? Un dernier morceau, tu vas. Vas-y, Rise, j'ai choisi un titre un peu. Moi, je choisis un titre. Ouais. Ça va. Qu'est-ce que je pourrais mettre en même temps? Il y en a pas. On peut choisir. Il y en a 7. Je vais pas. On s'ambiance un peu et tout encore. On peut remettre le dépasse tes limites. Ouais, en plus, car dépasse tes limites. Ouais, oui, voilà. Il est là et tout. C'est lui qui a composé le son en plus. Voilà, c'est lui qui a fait le track. Ça a du très, très, très gros talent. Charisma est dans la place. Charisma qui est là. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien, Charisma? Ça va, tranquille. Donc c'est toi qui as fait la prod lourde de ce morceau? C'est moi, c'est moi. Un moment inspiré, un truc particulier, qu'est-ce qui t'a... Quelque chose qui est passé entre tes oreilles pour balancer son à un moment ou un autre? Bah moi je suis la tendance, les States, la France, tu vois, je suis tout ce qui se fait. Donc moi je fais un peu de tout. De Blacko il a écouté, franchement je balance de tout. J'ai fait cet été j'ai fait déconnecter Fred. Jamida. Ouais. C'est lui. Ah bah oui frère. Voilà. Voilà, mais t'es là, tu le regardes comme ça, il est là, mais en toute discrétion, en toute humilité. Attends, c'est lui qui a fait déconnecter. Bah, le mec qui a fait déconnecter. Non mais attends, je peux dire un truc. Il va être bientôt déconnecté, vas-y. Non non. C'est lui qui a fait déconnecter. C'est pas vrai, c'est pas toi. C'était juste ce que je voulais dire. C'est le projet de Jamida. Je voulais bien le préciser. L'été prochain, ouais, alors, il y a quoi? Il y a le Déconnecté 2 qui arrive ou pas pour l'été prochain? Ah, crois-moi qu'il est en train de travailler avec beaucoup de monde en ce moment. Charisma, t'as vu, il fait partie de mon label Quantis Record et on le place partout. Toujours lui. C'est la famille. Et alors, on peut dire déjà 2-3 prods qui arriveront ou... Franchement, ouais, il a déjà collaboré avec pas mal d'artistes qui vont arriver. Là, il y a du Sultan, il y a du. Non, il y a un peu de tout, hein, franchement. Ouais, de tout. Encore du Hamida aussi, très possibilement. Toujours. Voilà, il y a du monde. Et bah là on va l'écouter avec Blacko maintenant, voilà. Et Joey Star aussi. Voilà. All right, big up pour le Jaguar. Yeah man, dépasse tes limites. Yeah, again and again and again. Ça c'est pour les soldats qui se lèvent et enchaînent dans un sens positif, toujours dans un sens progressif. Voilà du conjoint pour ton système auditif. dépasse. Dans les bacs. Ah, c'est ça. iTunes, on y va, on clique. Décourager, te démotiver, te freiner, te bloquer dans ta lancée. Sois toujours déterminé, fier et fort, t'es la guerrière de lion et mental d'acier. Sois toujours prêt à faire face, ne recule pas. Pense pour toi, ne renonce pas. Ne crains personne, à part le Très-Haut et tes remparts. Bat dans ton but, frère, fonce dans le tas. Il faut se battre pour être le premier, faire partie des meilleurs. Se lever pour gagner, être un compétiteur. Chaque jour s'acharner, chaque jour s'entraîner. Chaque jour se dépasser, progresser, viser la place du vainqueur. Faut tout donner, ne rien lâcher. Tout faire péter, tout arracher. Donner le meilleur de soi-même, dépasser ses limites. Chaque jour se surpasser. Accroche-toi et n'abandonne jamais. On n'a rien sans rien, tu me connais. Elle sait faire frappe plus fort que ton adversaire. Dépasse tes limites, voilà ce que tu sais faire. Dépasse tes limites. Sois ambitieux, courageux, déterminé. Va chercher le tir. Dépasse tes limites. Pensez honneur, jette-toi dans l'arène comme un gladiateur. Oublie la peur, laisse affronter les losers. Donne le maximum pour faire partie des meilleurs. Ça c'est pour les guerriers, ça c'est pour les soldats. Les gens déterminés, qui ne lâchent pas. Toujours motivés, toujours prêts au combat. Toujours prêts de gestion, sans oublier combien d'en bas. La fureur du train, l'objectif c'est gagner. Faut pas avoir peur, de transpirer ni de saigner. Non, faut se donner à fond, instinct de spatial. Confié à bloc, aiguille dans le rouge, toujours d'attaque. Parler les gens du temps, ce son ira, je les attends déjà. Nous, fais ce que t'as à faire. Pas besoin de trop parler, fais ce que t'as à faire. Dépasse tes limites. Sois ambitieux, courageux, déterminé. Va chercher le tu. Dépasse tes limites. Lève-toi, bats-toi. Fais partie de ce charisme. Combattant féroce, rien ne doit t'arrêter. Dépasse tes limites et vise le sommet. N'aie pas peur de la douleur, tu la connais. Vas-y, montre l'air qui tu es. Que tu es un bon dans ce que tu fais. Ferme la gueule de tous ces jaloux. T'inquiète, mais pas, ils sont pas prêts. Dépasse tes limites, va jusqu'au bout. Ton taf sera reconnu par les vrais. Les rageux, ça mettront dans le trou. T'inquiète, mais pas, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Fais ce que t'as à faire. Pas besoin de te parler. Fais ce que t'as à faire. everyday. Dans le positif, dans les études, dans le sport, je t'ai déjà dit. Et un mot. Charisma, quand tu LTEC. Dépasse tes limites à l'instant. Avec Blacko. Voilà, ça c'est le petit son. Je le conseille à écouter le matin celui-là. Ah, ça c'est. Quand tu sors du lit, tu vois, tu veux te. Quand t'es pas en super parti. Grande forme, et là tu mets ça, t'es parti quoi. Voilà, c'est pour. Voilà. Tu sais, j'aime. C'est un peu l'esprit reggae musique, tu vois, donner de la force aux gens, donner un petit truc, même, et c'est possible de le faire même sur de la trappe, tu vois. Et sur scène, c'est encore meilleur, donc faut aller sur scène le voir. Voilà. Toute la France, dès jeudi, Marseille, Molotov, première date. Loupez pas Blacko et Blacko tous les soirs aussi entre 20 et 21 dans Planète Rap. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la superstar US Nicki Minaj en concert avec ta radio préférée. Ingrid de Paris, ça va bien Ingrid? Salut Fred, ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, on est avec Blacko toute la semaine. Salut tout le monde. Salutations. Ça va bien? Félicitations pour ton album. Merci, c'est gentil. Merci à toi. L'album l'as acheté, j'espère. On y va, demain Nico. Ah, si tu l'as écouté déjà, c'est quoi? Tu veux y aller? C'est sur internet. Pourquoi tu m'en achète-le? Même le prends tout de suite, Ingrid. Achète-le, prends-le tout de suite, Ingrid. C'est uniquement en digital, c'est en pas digital. Dans les magasins, c'est uniquement sur, ouais, bah, sur le net. iTunes, Play Store, et il y a d'autres supports, mais j'ai pas tous les noms. Ingrid. En téléchargement légal, Ingrid. Ok, on ne montrera pas. On va faire tourner la roulette, c'est parti. Dès que tu veux, tu dis stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Nicki Minaj en concert 25-26 mars. De fou, lourd, lourd. Deux places pour l'une des deux dates au Zénith de Paris. Mais maintenant, pour toucher les places, faut montrer l'album que t'as acheté. Exactement. T'es mal. Et H Magnum vient chez toi là, d'ici une demi-heure. Viens chez toi d'ici une demi-heure pour venir. Ingrid habite Paris dans le 20e, donc. Ah mais j'ai un clip. Là, je clip là dans le 20e ce soir. Presse Planète Rap. Où ça? En freestyle dans le 20e à Saint-Blaise dans mon quartier. Dans le quartier. Dans le 9-3 aussi. Et ouais, vous êtes tous les bienvenus. Bah écoute, okay, Ingrid, si ce soir tu veux mettre une. Mais je le lance quand même pour sortir. Tellement. Elle a dit, elle va acheter l'album alors qu'il est sur internet. Elle est sur internet, ça sert à rien. Ingrid, ne t'inquiète pas, merci d'avoir été avec nous okay, ce soir. Bonjour, Ingrid. On te fait un bisou, passe une bonne soirée. Merci à Blacko. Yeah, mais merci. Passé, à merci. Vous, toujours. Merci, on va rappeler aussi ceux qui étaient avec nous. Avec Chinese. Chinese. Voilà. Donc on Joe attend. Black et H Magnum. Merci de m'avoir accueilli, avoir accueilli le label Loot School. On est présent, on reviendra. Allez, merci. Bah, avec grand plaisir. Officiel. H Magnum, c'est pour fin mai l'album Gotham. Fin mai, l'album Gotham City. Et voilà, très très lourd, il est très lourd. Là, je lance un freestyle vendredi. Très, très, très, très sale. Et donc, un clip qui arrive à priori. Il y a un clip là, que je tourne ce soir. Je lance vendredi, c'est les freestyles. Je suis dedans. Oh, c'est un petit concept que je fais. Et dans 3 semaines, j'ai mon prochain single qui arrive. Qui sera très lourd aussi. Qui s'appelle Demain sera mieux. Et ben merci à H Magnum. Joe Black qui était là aussi ce soir avec nous. Merci à toi. Ouais, merci à vous. Et pareil, on attend la suite là-dedans. 7-7. On arrive bientôt. Ça se prépare. Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Tous ceux qui étaient là, il y avait les producteurs aussi qu'on salue, qui étaient là ce soir. Charisma. Il y a du monde, il y a Drikeos, il y a du monde. Il y a du monde et on reviendra aussi demain. 7-7, il y a Adams, tout le monde est là. Aïe, aïe, aïe. Chicha. Entre 20 et 21, le retour de la cause. Je dédicace au Gusto Pasta, des Cresses sous Bois, à Gusto Arbest. Il va bouffer gratos ce soir. Moi je vais bouffer pendant un an. Erais va bouffer des pennés ce soir. Pour être sûr d'avoir un supplément fromage, c'est le Gusto Pasta au Clé-sous-Bois. 78-340, tu connais la belle, j'avais dit bang. Voilà. Moi aussi, petite dédicace rapide, c'est pour mes trois petites filles. Ah non. Non, moi c'est straight. Ouais, avec c'est le cœur. Voilà. Moi, Fatia, Alaya et Jaya, mes trois petites filles. Si vous entendez papa, bisous papa, il vous aime. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Et bah le cœur et le ventre étaient là pour conclure ce planète. Radmo, Radmo. Chacun son délire. 75-020 à tous mes gars. Merci à vous. Voilà. Et on va retrouver Diffoul maintenant qui est là et toute l'équipe de la radio. Oui. Présent. Ça va? Présent, et toi, Fred? Oui. Écoute, en pleine forme. Bon, bonjour à tous ceux qui étaient là ce soir. Rise, H Magnum et Blacko aussi. On est là toujours. Et Blacko toute la semaine. Vous pourrez en profiter dès demain à partir de 20h pour la suite de Planète Rap. Exactement. Il y a du foot à suivre ce soir. Vous suivez le foot un peu dans le. En tant que joueur. Ah non, je crois que c'est joue. Excusez-moi. Paris, c'est Lille pour la Ligue, pour un ticket de finale. C'est le match pour la finale. Ouais, on va suivre ça ce soir en direct, mais bon, là, pas que. Là, si je dis que je suis pour Lille, j'ai non, pas. Non, non. Ah, c'est faux. C'est moins 17 000. C'est pour l'audace, toi. Première semaine, moins 17 000. Bon, on va suivre ça en direct tout à l'heure. Dans un instant, ça va démarrer. Et puis, dans un instant, nous aussi, on démarre à Radio Libre dès maintenant. Avec, dans quelques secondes, écoute bien, Fred. On rentre dans le club. Allez, on rentre dans le club. Jeffrey, ouais. Remets-nous les glaçons. On remet des glaçons pour démarrer. C'est Sopra, bien sûr. La soirée. Soprano qu'on va retrouver tout de suite. Vous tous qu'on attend en direct dès maintenant, 01 53 40 30 20, vous pouvez nous appeler. J'entends Cédric, Samy. On est prêt. Karim qui est là aussi. Ouais. Dans un instant, toute l'équipe débarque et vous aussi en direct avec nous. Et Soprano, Fresh Prince qui arrive dans une minute sur Skyrock. À demain soir. Ciao. On loupe pas ça dans une minute. Soprano est là et la radio libre démarre en direct jusqu'à minuit. Ciao. C'est parti. Salut Fred, salut Blacko. Ciao.